Et donc surtout l'aube concernant l'aube et là bien sûr on est à Paris, c'est pas n'importe quel lieu. Paris donc c'est un lieu géographique particulier et donc l'aube vers le 20 juin et avant quelques jours avant et quelques jours après et puis elle disparaît pas, donc il y a des règles à connaître. Donc nous on a observé et les horaires qu'on a fait, c'est les horaires, c'est pas comme ça. Mais on a observé plusieurs endroits et on continue à observer. On a des équipes qui observent, alhamdoulilah. Donc la personne l'a bien montré avec les preuves qu'elle n'est pas excusée le fait qu'elle se cache derrière la radio ou une feuille qu'il a eu du boucher ou un tel a dit sans preuve. Ça, c'est pas excusé. Et c'est pas valable non plus de venir débattre en disant c'est tôt l'horaire alors qu'on n'a pas observé. On ne peut pas parler si on n'a pas observé, ça c'est sûr. On ne peut pas juste comparer des feuilles comme ça. Ça ne marche pas. Donc, c'est pas secrétariat ou bureautique de comparer des feuilles, de faire des statistiques. C'est une observation qu'il faut faire. Nous, on a observé. Donc, on sait de quoi on parle, on a observé. Et en plus, c'est connu. Dans l'astronomie, c'est connu. Hein. C'est l'aube, qu'elle est très tôt, etc. Ceux qui connaissent ce domaine-là, ils le savent bien. Donc quelqu'un qui ne connaît rien, ni la religion, ni l'observer, ni connaît le domaine, il ne peut pas discuter et donner un jugement de valeur sans connaître. C'est un maqdarch yahkam, hek mjarad al-hawa, l'andu la khibra fil yani fil muraqabat yani hadhihi al-awqat ou la andu khibra diniya ou la raqab, la yqdar yitkallam fi hadha al-mawdou. فالحاصل الأوراق اللي عملناها قريبة من الواقع أن الفجر يكون في هذه المدينة يكون يعني باكر في هذا يعني الفترة الزمنية من السنة. Donc cette période de l'année, donc l'aube sera très tôt, bien sûr. Donc il faut s'assurer de ne pas manger quand l'aube est rentrée, bien sûr. Il faut même si quelqu'un yani, il mange une fois dans la journée, donc c'est pas tant que la personne elle est en bonne santé, en tout cas, elle doit jeûner. Mais si elle a une maladie, là, c'est connu. Comment elle fait la personne? إنسان مريض لا يصوم يعني لا يقدر لا يصوم ويقضي quelqu'un qui est malade il jeûne pas mais c'est pas valable de dire ah ben je suis malade je vais jeûner je vais m'arrêter quelques heures avant parce que je suis malade ça marche pas ou tu peux jeûner tu jeûnes complètement ou tu jeûnes pas et donc et tu rattrapes يعني quand t'es malade يعني même si c'est le cas l'insan يقول ما عنديش القوة ف معليش نصوم اقل سوايع ما تصحش انما اذا مريض يفطر واذا مش مريض يصوم هيك اذا الامساك يعني الاشياء اللي نشوفها تفطر كل ما هو اكل وشرب بالطبع هذا يفطر دونك tout ce qui est manger boire ça annule le jeûne bien sûr la cigara la fumée la cigarette ça annule. لكن إذا إنسان يشم الرائحة شم الرائحة لا يبطل عند كل العلماء sentir une odeur parfois autre juste la sentir ça annule pas chez tous les savants c'est les quatre écoles ça annule pas le jeûne donc sentir donc ça annule pas le jeûne sentir une odeur donc le maintenant donc il y a d'autres choses on les verra inshallah. Donc, plus en détail concernant ce qui annule pas, tout ça, pour que les gens ils se mélangent pas, c'est pas tout qui annule. Il se peut que ce soit une chose, c'est un péché, mais ça annule pas le jeûne. Comme si quelqu'un il vole, voler c'est un grand péché, mais ça annule pas le jeûne. Fi ashiya hiya haram, lakin la tubtil as-siyam, mithal insan yasraq. Ma'siya kabira as-sariqa, lakin la yubtil as-siyam. Kul shay, yani, comme on dit, fi buqatihi. Donc chaque chose a sa place, bien sûr.